Tu rentres en quelle classe? En sixième. Ouh là là, ça rigole plus là. Le premier jour, t'as eu tes heures de cours, donc t'as plus d'excuses d'être à la bourre. Lis bien ton emploi du temps, sois à l'heure, si tu ne veux pas qu'il t'arrive malheur. En classe, sois actif, sors les mains de tes poches, par seulement quand retentit la cloche. Sur l'agenda, n'oublie pas de noter le nouveau matériel à rapporter avec les leçons, les exos à faire, en précisant la date et la matière. Maintenant t'as toutes les cartes en main, pour que ton année commence super bien. Repère les adultes et leurs bâtiments, localise les classes de tes enseignants. Pour une recherche à faire, suis la piste qui mène à la documentaliste, l'infirmière s'occupera de ta santé, les agents d'entretien de la propreté, le gestionnaire s'occupe des finances et la CPE2, la surveillance si t'es convoqué par le principal ou son adjoint, oui ça va faire mal. Quand on dirige un établissement, on est à cheval sur le règlement. Bienvenue au collège. Ouh là là, ça devient sérieux là. Bienvenue au collège. Va falloir travailler maintenant hein. Oui, tu as le devoir d'assiduité, de travail ou bien de respecter les lieux, les personnes, la laïcité, d'être neutre, de ne pas utiliser des appareils considérés comme gênants ou bien dangereux par le règlement. En revanche, tu as le droit à l'instruction, à l'expression et même aux réunions, sans parler du droit d'être respecté ou de devenir par vote délégué pour être porte-parole de la classe auprès des profs du conseil de classe. Bienvenue au collège, dans la cour des grands. Bienvenue au collège. Ouh là là. Bienvenue au collège. T'inquiète pas, ça va le faire. Bienvenue au collège. Au début tu seras peut-être un petit peu anxieux, tu te diras mince alors c'est grand, il y a plein de monde et tout. Mais en fait qu'est-ce que c'est un collège finalement? Des classes où il y a des tables, des chaises, il y a des professeurs, c'est pareil, hein. C'est comme la primaire, comme la maternelle, ça change pas grand chose en définitive, hein. Faut pas que tu t'inquiètes, faut que tu sois serein, tout va bien se passer.